un jour tu t'en vas, ne me regarde pas. Si je pleure dans tes bras, pardonne-moi. Si quand je rêve de toi, je ne me réveille pas. Si j'aime tout en toi, ne change pas. Sans toi j'ai froid. Si quand tu as mal, je souffre avec toi. Si tu m'es fatal, c'est que t'es plus là. S'éloigne de moi, je voudrais tant m'enfuir avec toi. Je pleure.